te serai servile, soumis et silencieux. Je serai dévoué à tes désirs en tout deux. Je serai le débile débiteur de tes dépenses. Je soutiendrai tes souillures en silence. Je te donnerai des délices, des délires et des denrées. Je dégusterai tes désirs désobligeants et déplacés. Je me délecterai de tes dettes, de tes déboires. Je me débarrasserai de mes doutes, mes désespoirs. Marche-moi sur la gueule, mon amour. Insupportable que d'être seul, oh c'est lourd. Marche-moi sur la tronche, mon bébé. Que je brûle si je bronche en bavrais. Je tairai mes tabous et mes intolérances. Je partagerai ma compassion et ma patience. Je passerai pour ta poubelle ou ton passe-temps. Je sacrifierai mon corps, mon cœur constamment. Je virerai mes vices et mes envies. Je te livrerai mes vertus et ma vie. Je brûlerai de boire tes bavures et ton baratin. Je conserverai ta condescendance au quotidien. Marche-moi sur la gueule, mon amour. Insupportable que d'être seul, oh c'est lourd. Marche-moi sur la tronche, mon bébé. Que je brûle si je bronche, j'en bavrai. Je bénirai ta beauté, tes biens, ta bizarrerie. Je chanterai ton charme, te chuchoterai, chérie. Je bannirai ma bêtise, mon blues et mes besoins. Je changerai, chasserai mes chagrins. Je dormirai dehors ou dedans, tout dépend de toi. J'avilirai ma vie à tes envies, à ta voix. Je mangerai dans tes mimines, tes mains de maîtresse. Je ferai don de mes forces, affaiblirai mes faiblesses. Marche-moi sur la gueule, mon amour. Insupportable que d'être seul, oh c'est lourd. Sur la tronche, mon bébé. Que je brûle si je bronche, j'en bavrai. Je prendrai ton mépris, petite preuve de passion. Je rangerai mes railleries, raillerai ma raison. Je distillerai ma dignité, délivrerai ma destinée. Je pétrirai ma pudeur, partagerai ma peine. J'ingurgiterai tes injures, tes insomnies et inconstants. J'invoquerai tes impulsions et tes impermanences. Je t'amènerai mon amour, mon amitié, mon amour, tiens. Je chercherai ta chose, tes chiottes, ton chien. Ta chose, tes chiottes, ton chien. Ta chose, tes chiottes, ton chien.